opinel. Parce que toute l'année tu fais l'ancien. Maras on fait la pièce, allume un briquet impliqué s'il y a un ticket dans la caisse. T'es jamais vraiment à l'aise tant qu'on connaît ton adresse. Allume un briquet impliqué s'il y a des litrons dans la caisse. Passe la scène au liminal, produit dans l'aluminium. J'suis passé du lithium à AP, Chichidio c'est Marseille, ma jolie. On fait le cirque dans le carré des 38 comme à Napoli. C'est qu'on est mauvais. T'es pas des nôtres, t'es pas dans le vide.